Et maintenant, la prophétie. Quelqu'un répondra à l'appel. C'est par la voix du monde du dehors que viendra la guerre sainte salvatrice, le djihad. Il purifiera l'univers et nous mènera hors. Les taches deviennent mises en garde, c'est par ma seule volonté que mon esprit se meut.